La laide, deuxième partie. Mais quelque triste que soit mon récit, je m'y attacherai. Lord Byron. 1. Je suis bien laide, disait un soir la jeune Berthe de Maugis. Il ne voudra jamais m'épouser. Allons, prévenons un refus. Et de l'air de quelqu'un qui prend une résolution à regret, elle se leva, tira un cordon de sonnette. Un domestique parut. « Préparez sur cette table tout ce qu'il faut pour écrire, » dit-elle. Puis, rêveuse, s'avançant vers le feu comme pour le ranimer, ses regards tombèrent sur une glace placée au-dessus de la cheminée. Ses yeux s'y fixèrent tristement. « Oh non !» se dit-elle, regardant ses traits longs et maigres, sa figure brune, sa taille sans grâce. « Non, il est impossible qu'un homme puisse m'aimer, m'épouser, sans qu'il y soit contraint. Non, pourquoi donc hésiter ? Mademoiselle ne désire plus rien ? » demanda le domestique, interrompant ainsi les réflexions de Berthe. « Ne vous éloignez pas, restez dans l'antichambre. Dans un instant, j'aurai besoin de vous. » Le domestique s'étant retiré, Berthe s'assit et écrivit ce qui suit. « Monsieur Eugène de Valdelin, par son testament, votre oncle, monsieur de Maugis, vous laisse son unique héritier, à la charge pour vous d'épouser une petite nièce à lui. Cette nièce, c'est moi, monsieur. Votre notaire m'ayant appris ce matin votre arrivée dans cette ville, j'ai pensé que votre intention était d'accomplir les dernières volontés de notre oncle. Car, autrement, pourquoi auriez-vous discontinué le cours de vos voyages? Pourquoi seriez-vous à Paris? Donc, et avant de recevoir votre visite, je veux, je dois vous dire une chose, que je vous affranchis de la clause qui vous oblige à m'épouser, que vous êtes libre, monsieur. Et je n'agis point par aucun motif de prévention ou désobligeant pour vous. Mon Dieu, non. La preuve, monsieur, c'est que je vous laisse maître de mon sort et du vôtre lorsque vous m'aurez vu. Car sachez que je suis une de ces personnes tout à fait disgraciées par la nature, un de ces êtres infortunés qui ne devraient jamais naître, qui ne paraissent ici-bas que pour souffrir, faire pitié, et dont le lot est obscurité, abandon. Voilà le motif de ma conduite, du refus que je fais de votre main. Je ne puis vous offrir ni vous promettre le bonheur. Je ne le connais pas, monsieur. » Berthe de Maugis. Puis la jeune fille cacheta sa lettre, donna l'ordre de la porter de suite à M. Eugène de Valdelin, hôtel des Princes, rue de Richelieu. Après, plus calme, presque satisfaite d'elle-même, elle prit un livre et se mit à lire. Demi-heure se passa. Tout à coup, la porte du salon s'ouvrit, on annonça M. Eugène de Valdelin. À ce nom, un tremblement subit saisit Berthe. Mais, avant d'aller plus loin dans mon récit, je dois vous dire ce qu'était ce jeune homme. Fils d'une sœur de M. de Maugis, habitant ordinairement Bordeaux, il n'avait jamais connu son oncle. Il pouvait y avoir environ 4 ans de cela. Un beau jour, il quitta Bordeaux, parents, amis, sans donner à penser pourquoi, sans dire où il allait. D'aucuns prétendirent qu'une histoire d'amour fut la cause de ce départ. Mais ce n'était que vaine supposition. Rien ne les confirma. On finit par les oublier, et Eugène avec. Il était en Grèce lorsque son oncle mourut. La lettre qui lui annonçait cette nouvelle ayant éprouvé quelque retard, il ne la reçut qu'un an après. La clause du testament qui l'obligeait à épouser une petite nièce qu'il ne connaissait pas, dont il n'avait jamais entendu parler, lui déplut fort. Toutefois, il se mit de suite en route pour Paris. Non dans l'intention d'épouser Berthe, ni tout autre, Eugène, pour des raisons à lui connues, avait renoncé au mariage. Eugène était un de ces hommes graves, réfléchis, d'un caractère très fier et doué d'un orgueil extraordinaire sur sa qualité d'homme. Il se croyait d'une nature bien supérieure à celle de la femme, pour laquelle, cependant, il montrait au besoin égard et protection, mais seulement et à cause d'un sentiment de bienveillance qui porte ainsi le plus fort à protéger le plus faible. il n'eût pas voulu, pour rien au monde, avoir la moindre obligation à une femme. En quelque sorte, il s'en serait cru déshonoré, du moins à ses yeux. Or, il arriva à Paris, bien décidé à laisser à Berthe et l'immense fortune de M. de Maugis et sa liberté individuelle. En conséquence, aussitôt après son arrivée, il fit prier le notaire, chargé de la succession, de vouloir bien passer chez lui, mais cela sans lui faire part, en aucune manière, de ses intentions à l'égard de Berthe. Sur ces entrefaites, il attendait encore la visite du notaire lorsqu'il reçut la lettre que vous savez. Tout son orgueil d'homme se souleva en la lisant. Ainsi donc, ce qu'après mûre réflexion, lui, Eugène, voulait faire, le résultat de toutes ses pensées, depuis la lecture du testament, tous ses calculs de générosité, de délicatesse, une jeune fille, presque une enfant, l'avait prévenu. Et de quelle manière encore? Que de simplicité, que d'élévation d'âme dans cette lettre si courte. Honte sur lui. Il est de son amour-propre, de son honneur, de son devoir, de refuser l'offre de Berthe, de paraître bien plus grand, bien plus généreux qu'elle, en l'épousant toute l'aide qu'elle est, en la couvrant de bienfaits, en lui sacrifiant ses préventions, ses peines passées, sa vie antérieure, son avenir. Et lui, qui avait renoncé à l'amour, qui avait juré de vivre seul, arriva chez Berthe, bien décidé à l'épouser. On l'annonce, il entre et se trouve en face de l'être le plus singulier qui se puisse voir. C'était une femme petite, noire, contrefaite, sans grâce ni tournure, d'une physionomie commune, d'un abord repoussant. Le courage d'Eugène s'évanouit à cette vue. Il ne trouva aucune expression pour saluer cette femme et resta debout, silencieux devant elle. Berthe rougit beaucoup, elle se troubla, car elle avait compris, la pauvre fille, ce qui se passait dans l'âme de M. Valdelin. Toutefois, elle prit sur elle de parler la première. « Avez-vous reçu ma lettre, monsieur ?»« Oui, mademoiselle. » « Et sans doute vous souscrivez à son contenu. »« Non, mademoiselle. » Berthe le regarda avec étonnement. Eugène était un jeune homme grand, d'une taille élégante, la figure belle et sévère à la fois. Il reprit. « Mon intention est d'accomplir les dernières volontés de notre oncle et de vous épouser, mademoiselle. »« Quoi ? Vraiment, vous ne me trouvez pas trop laide ?» Il y avait tant d'ingénuité dans cette demande que Eugène, touché, prit la main de la jeune fille et lui dit avec amitié « Berthe, voulez-vous être ma femme ?»« Oh, de grâce, monsieur, réfléchissez, ne vous pressez pas. »« Voulez-vous être ma femme ? Mais répondez, votre lettre me l'avait fait espérer. Qui peut donc ainsi vous faire hésiter, Berthe ?»« Moi, monsieur !» Ma personne disgracieuse, ma difformité. Je vois tout cela, et je renouvelle ma demande. Berthe baissa les yeux d'un air confus.